Hola mamá, yo te dedico esta canción. Quiero que sepas que cada día pienso en ti. Y un día volveré a verte, te lo juro. Te extraño, mamá, te extraño. Como un perfume en mi piel. Comme un parfum sur ma peau, tu as laissé ta trace comme le plus beau des cadeaux dont jamais on se lasse. Maman, ça faisait 22 ans que je voulais te voir, te rencontrer. Il m'a fallu tout ce temps, mais j'ai pas regretté. Maman, je t'ai rêvé et ton visage l'imaginais. Chaque nuit dans ma tête, je dessinais ton portrait. Bien sûr, maman, j'avais pensé à un jour où toi et moi on se reverrait. Ce jour où dans mes bras je te serrais. J'ai 25 ans aujourd'hui et tout me paraît loin. Ce matin où tu m'as regardé, tu m'as pris la main. J'en avais fait des kilomètres pour te chercher, traverser des tempêtes pour te trouver. Je veux que tu saches que désormais je vis en paix. Mon cœur a recollé la moitié qui lui manquait. La moitié qui lui manquait. Es que me siento tan lejos de ti. C'est loin de toi, mamá. Me duele saber que estás ahí. Dime que aún tú piensas en mí. Y nunca olvidaré lo que viví. Je suis si fier, tu sais. Si fier d'être ton fils, j'ai des frissons quand je pense combien t'as pu être triste. Ne pas savoir où ton enfant allait grandir, ne pas pouvoir le voir marcher, parler, apprendre à écrire. Je ne t'en veux pas, je te jure, je te remercie pour cette si dure épreuve, maman, je te bénis. Je sais que ça a été dur pour toi, mais je sais que de toute façon, t'as jamais perdu la foi. Moi j'ai jamais perdu espoir, je te jure, et encore moins le courage. Je sais que ton absence m'a aidé à tourner certaines pages. Maintenant je sais à quoi je ressemble et je te jure que c'est trop bien. J'ai ta beauté et ton sourire que je garderai jusqu'à la fin. Je jure qu'en écrivant ce texte, j'avais les larmes aux yeux. Car quand je pense à toi, maman, je me rends compte de ce qui est précieux. Es que me siento tan lejos de ti. C'est loin de toi, maman. Me duele saber que estás ahí. Dime que aún tú piensas en mí. Y nunca olvidaré lo que viví. Je sais que ce moment restera dans nos cœurs, gravé dans nos mémoires. À plus jamais cette odeur, je l'aurai imprégnée sur ma peau et dans ma chair. Maman, te revoir, tu sais maintenant, j'espère. Comment te dire tout ce que j'ai au fond, tout ce que je ressens. Et cet amour que j'ai aussi pour mes parents. Ces êtres chers à mes yeux qui m'ont élevé. Et ma plus grande fierté, c'était pu les rencontrer. Voir de mère pleurer, se serrer dans les bras. C'est tellement beau, y'a pas de mots et ça n'arrive qu'une fois. Voir un père si heureux, ému en même temps. Ça fait bizarre, j'aurais voulu arrêter le temps. J'ai pu connaître mon pays, marcher sur ma terre, découvrir mon peuple, explorer ses mystères. Maintenant je peux dire que je viens de là-bas et crier haut et fort que como tú soy de Guatemala. Es que me siento tan lejos de ti. C'est loin de toi.